Merci Mike, je prends le relais à mercredi prochain à 19h pour ton émission La Musique dans le Temps. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Musique Live le mercredi soir tous les 15 jours à 20h. Ce soir c'est sorti concert et avec un grand artiste français, Monsieur Bernard Lavillier. Allez, générique Pierrick. Musique live avec Yo. Sur Fadjet, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois. Merci à tous. Bernard Houllion, dit Bernard Lavillier, est un auteur-compositeur-interprète français né le 7 octobre 1946 à Saint-Étienne. Son père, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et syndicaliste, est ouvrier à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la Masse, et sa mère est institutrice. Dans la famille, on écoute beaucoup de musique, notamment les chansons venues d'Amérique du Sud. Il lit aussi beaucoup de poésie. À 15 ans, il en a marre de l'école, il commence à travailler et devient, à la demande de son père, tourneur sur métaux à la manufacture de Saint-Étienne. Il rencontre aussi à la MJC d'autres jeunes et participe avec eux pour écrire des chansons et des textes. Il part à Paris à 18 ans, crée des chansons et puis se produit un petit peu dans certains cabarets, certains soirs, des restaurants aussi, dont la fameuse pizzeria du Marais, où il joue quelques soirs de suite avec Jacques Higelin et Renaud dans le programme. Il prend le nom de Lavillier, sans doute du fait qu'il réside et a un petit boulot à Aubervilliers. Il va enregistrer un premier album où il commence à parler d'Amérique du Sud déjà, de lutte des classes. Il adhère ensuite au Parti communiste français, joue à la Fête de l'Humain et grâce au réseau de la Fête de l'Humain, il va sillonner la France en trouvant différents jobs tout en jouant dans les MJC. Il va d'ailleurs passer 2 mois en Lorraine, pas loin de Metz, en jouant à Metz bien sûr, mais à Nilvange, à Longwy, avant de rencontrer et de remonter vers Paris avec un prix pour une chanson au Festival de la Rose d'Or à Montreux. En région parisienne, hein, pas en Suisse. C'est dans cette période-là qu'il crée sa légende. Enfance en centre de redressement, voyage en Amérique du Sud, il est devenu gangster, il est devenu boxeur, il rentre dans la mafia, bref, le grand fauve d'Amazon. Bernard Lavillier, son deuxième album en 1972, Les Poètes, et commence à avoir une certaine notoriété, ce qui se confirme en 1975 avec l'album Le Stéphanois, et notamment les titres San Salvador et Saint-Étienne. Il va alors faire la rencontre de sa vie avec Léo Missire, qui travaille chez Barclay, un découvreur de talent, ingénieur du son, réalisateur, puisqu'il lancera aussi plus tard Daniel Balavoine et plein d'autres. Il signe chez Barclay, avec lequel il n'aura que très peu de contact. Tout repose sur Léo Missire, et la consécration arrive dès le premier album de chez Barclay, en 1977, avec l'album Les Barbares. Dans une période où la nouvelle chanson française fort avec l'arrivée des Souchon, des Cabrel, des Higelin, des Jonas, des Lalanne, etc. Bernard Lavillier fait son premier Olympia en 1977 où il rencontre un autre Léo, mais celui-ci Léo Ferré. Cette fois, c'est un vrai modèle pour lui. Il fera d'ailleurs sa tournée en première partie, juste après, et rencontrera à l'occasion aussi des groupes comme Magma, comme Gong, enfin la belle époque des années 70. Ça y est, sa carrière est lancée. À la fin des années 70, Laurent prolifique dans ses créations, notamment au retour d'un voyage qui l'emmène en Jamaïque, New York, et il en revient avec l'album Au Gringo. Autant son écriture, ses inspirations musicales, son style en font l'un des artistes français les plus reconnus. Les années 80 sont les années de gloire. Son succès ne se démentira jamais jusqu'à aujourd'hui, en prenant le rythme, depuis les années 90, de sortir un album environ tous les 4 ans, suivi d'une tournée de 2 ans, puis silence et nouvel album 3 ans plus tard. Une machine bien lui liée. Il est aujourd'hui reconnu et apprécié de tous et devenu aussi grand que les Ferré, Ferra, Nougaro, Higelin, Brel, Brassens ou Renaud. Pour ses 80 ans l'an prochain, une tournée déjà annoncée et les dates ne cessent de s'ajouter. Sa dernière venue à Nancy était au NJP il y a 3 ans. Il sera à Nancy pour la 2e date de sa tournée 2027, le 23 janvier au Zénith. Les billets sont déjà en vente à partir de 39,20 €. Et j'ai déjà ma place. Bernard Lavillier arrive sur scène, je me tais, je vous retrouve à la fin de la retransmission. Bon concert. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Entre passeurs et passages, c'est le métier qui me plaît. Bon.

d'un Roméo. Derrière les barbelés, trois rangées bien gardées, ils attendent de crever, de sortir, de braquer, et d'amour. Pour le flingue dans ta poche, t'es coincé à Guncourt. Jusque-là, le reggae viendra te réveiller. I am I love à toi. Pas mal. I and I know when and where I go. Love me tender, but it is so hard to feel my kiss. But it is so hard to stand again. Alors à ce moment-là, en 79, est arrivé le temps. Invention des ingénieurs jamaïcains. Ils avaient inventé ça depuis des années, mais tout à coup, c'était déjà sur les disques de Bob Marley. Sauf qu'en 79, à Kingston, au clavier, Xavier Triboulet. La sonorisation de façade, si vous voulez vraiment avoir le dub, c'est Madge Malky. Elle est noire et dorée, elle est belle à crever. Regarde-la marcher et danser sans reggae. C'est trop chaud pour chanter. Fais trop soif pour noter, trop beau pour t'expliquer ce qui se passe dans le reggae. I am I love. I am I know when and where I go. But it is so hard to feel my kiss. But it is so hard. Stand together. Lavillier, un morceau de plus de 11 minutes, Stand the Ghetto, et on le retrouve après avec je vous laisse écouter. La loi, la ville est condée. White, les nuits pour oublier. Phare de la police, dans mes yeux métis mouillés. Black, mes cheveux et ma peau. Black, c'est écrit là sur mon dos. Black, comme de la musique soul. Black is black and really beautiful. And tell me why I don't know. And tell me why I'm born in ghetto. Why I don't know. De noir pour une blanche, c'est inscrit dans le tempo. White, la couleur de la croix. White, la lame, noir le couteau. White, la voix qui dit encore. Sur Pigalle la blanche, fait rouler ses gouttes d'or. Black, la mémoire des bistrots. Black, les blousons des travelots. Black, la mort dans son linceul. Comme un coup de flingue, une baffe dans la gueule. Tell me. Gang était là, ceux de Puerto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, des revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blondes dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. Ah, ah, la voilà. Si tu me latines, y'a toi. yep, yep. De Marcana. Un coup de fouet, comment? De haut en bas. Qui te soulève, c'est la salsa. Frangine porto-ricaine, qui vit dans le Spanish Harlem. Et raccordée au bon roi, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo, de tequila mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa. C'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, ouais. T'es haut en bas, qui te soulève, c'est la salsa. C'est une frangine bordeauxricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Et rencombrée au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. David Donatien, percussion. Serré contre mon cœur, malgré l'amour qui rôde, j'ôte quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir. C'est une latine, oh! De Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, hop! C'est une frangine bordeauxricaine qui dans le Spanish Harlem est raccordée au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. C'est la salsa. C'est la salsa. Ne me quittez pas. Ne me quittez pas. Et comme dans toutes les bonnes salsas cubaines, il y a toujours un pianiste extraordinaire, Xavier Triboli. À la basse, Thierry Fonfon. Xavier Triboli au piano, basse, Thierry Fonfon. Thank you.

je tue, magique exclue, hors de ma vue, je t'aime encore, j'envoie d'abord le cri des villes sur du vinyle. Taxi driver, deux de vipères, flic solitaire, tombé par terre, amour, porno, chacun sa peau. Je vends du spleen, pure origine. Lentement je vois cet univers-là glisser vers le froid, le compte à rebours. Dans l'ère nucléaire, les derniers repères du manque d'amour. Que veux-tu que je sois pour cette société-là? Un ange ou un cobra, un tueur ou un rat? Où veux-tu que je vive dans la radio routine? Où veux-tu que je meure d'après la combineur? Plastique et choc, crédit ou cash, plus on se cache, plus on décroche. Je suis accro, j'ai les dingos, milliards de flashs, qui jouent au squash. Regarde-toi, regarde-moi, on ne se voit plus, on est perdu. Reste ou pars-toi, crève ou bats-toi, arrête ce slow entre deux eaux. Lentement je vois cet univers-là glisser vers le froid, le compte à rebours. Dans l'air nucléaire, les derniers repères brûlent sous les lasers du manque d'amour. Que veux-tu que je sois? Un ange ou un cobra? Où veux-tu que je vive? Quand veux-tu que je meure? Montre fanée, fleur déréglée, j'étais alors toujours à l'heure. Ventre désert, whisky glacé, barbe alphabée, cage de verre. Du Wikidor, je t'ai menti, je t'aime encore. Dans le vacarme du Wikidor, je t'ai menti, je t'aime encore. Oh. Je laisserai le lit comme elle l'a laissé. Les fées rompues, les draps emmêlés, afin que l'empreinte de son corps reste gravée dans le décor. Je resterai là, immobile, les bras croisés, presque tranquille. Je laisserai la chambre comme elle l'a laissé. L'odeur de camel gauloise mêlée, afin que la lumière retienne son ombre nue dans les persiennes. Au bout du quai tombe le jour, je reste là, sentant l'amour. Juste à l'envers du monde, où d'énormes soleils me renvoyaient mes ondes, où l'énorme bascule au fond des volcans sourds, où je traînais mes bottes, gaspillant ton amour. Attention fragile, attention fragile. Prendrai ma peau comme elle l'a laissée. Sueur et cannelle, orange, poivré, afin que la lumière revienne me dessiner cette rasière, cette criolla de secours, quand je titube au petit jour. Je prendrai ma vie comme elle l'a laissé, avec un sourire en coin, un secret, afin d'accepter la tendresse que j'avais refusée sans cesse, avec l'impression d'être fort. Le sommeil, c'est presque la mort. Attention, fragile. Et voilà, le concert de Bernard Lavilliers se termine. Pas tout à fait, parce qu'il va revenir sur scène et on va tous danser avec lui. En tout cas, notre émission se termine. La salle le salue debout. Nous, on se quitte et on se retrouve dans 15 jours. Belle fin de soirée sur Fadjet avec Z. À très vite et allez au concert. Yeah. Allez, le bout et on lance. Oh, Ringo. C'était à Rio, Rio de Janeiro. Une ampoule jaune pendait du plafond. Elle me demandait avec son regard étrange, tu pars demain. Elle a fait glisser sa bague autour de ses doigts, poser ses deux mains tout près de mon cœur et demander des nouvelles. D'ailleurs, et oui d'ailleurs, du monde entier. Sou gringo que não fala brasileiro. T'étais au ciel, mon toit et le ciel. Mais on l'a été au mar, m'a couché la mer. Elle faisait Copacabana. Les vieux Allemands tristes et les marins sous. Elle venait du Nord et croyait que la misère ici c'était moins dur, pendant que les grands s'affrontent à coups de calibre, de whisky glacé dans les grands salons de Leblon, d'Ipanema. Son gringo que no fala brasileiro. Yeah. Ele é gringo que no fala brasileiro. Meu teto é o céu, meu leito é o mar. A contrabasse, Thierry Fonfon. Thierry Fonfon. Thank you. de la favela manguera, habillés comme des seigneurs. Et les morenes sont belles, tous un peu voleurs. Et ils chantent pour les bourgeois qui sont dans les loges à 20 000 dollars la semaine. Gita Puan, fala de amor, muita Puan. Passa a tarde, Itapuan, fala de amor, muita Puan. Passa a tarde, Itapuan, fala de amor, Itapuã.